Après quelques heures de repos, elle s'enfuit à Gaussin, et le lendemain matin, un petit chevrier vint nous porter du pain. Nous demeurâmes là tout le jour, et la nuit, nous nous rapprochâmes de Gaussin. Nous attendions des nouvelles de Carmen. Rien ne venait. Au jour, nous voyions un muletier qui menait une femme bien habillée, avec un parasol, et une petite fille qui paraissait sa domestique. Garcia nous dit « Voilà deux mules et deux femmes que Saint-Nicolas nous envoie. J'aimerais mieux quatre mules. N'importe, j'en fais mon affaire. » Il prit son espingole et descendit vers le sentier en se cachant dans les broussailles. Nous le suivions, le dancaire et moi à peu de distance. Quand nous fûmes à portée, nous nous montrâmes et nous criâmes au muletier de s'arrêter. La femme, en nous voyant, au lieu de s'effrayer, et notre toilette aurait suffi pour cela, fit un grand éclat de rire. « Ah ! Les Lilipendis qui me prennent pour une Iranie ! Les imbéciles qui me prennent pour une femme comme il faut !» C'était Carmen, mais si bien déguisée que je n'aurais pas reconnu, parlant une autre langue. Elle sauta au bas de sa mule et causa quelque temps en voix basse avec le dancaire et Garcia, puis elle me dit « Canary, nous nous reverrons avant que tu sois pendu. Je vais à Gibraltar pour les affaires d'Égypte. Vous entendrez bientôt parler de moi. » Nous nous séparâmes après qu'elle nous eut indiqué un lieu où nous pourrions trouver un abri pour quelques jours. Cette fille était la providence de notre troupe. Nous reçûmes bientôt quelque argent qu'elle nous envoya et un avis qui valait mieux pour nous. C'était que tel jour partirait 2000 hors anglais allant de Gibraltar à Grenade par tel chemin. À bon entendeur, salut. Ils avaient de belles et bonnes Guinées. Garcia voulait les tuer, mais le dancaire et moi, nous nous y opposâmes. Nous ne leur prîmes que l'argent et les montres, outre les chemises, dont nous avions grand besoin. Monsieur, on devient coquin sans y penser. Une jolie fille vous fait perdre la tête. On se bat pour elle. Un malheur arrive. Il faut vivre à la montagne, le contrebandier. On devient voleur avant d'avoir réfléchi. Nous jugeâmes qu'il ne faisait pas bon pour nous, dans les environs de Gibraltar, après l'affaire des Milord, et nous nous enfonçâmes dans la Sierra de Ronda.